veux pas mentir, mi amor. Ce que j'ai vu m'a déstabilisé. Laisse-moi te dire merci, juste pour ta personne. T'es le genre de femme sexy que tous mes négros klaxonnent. Beauté toxique, tu nous empoisonnes. Tu sais ce que tu mérites et c'est ce qu'on affectionne. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu n'as pas besoin d'homme pour exister. Dis-moi s'il est déjà trop tard pour espérer croire qu'on pourrait rediscuter. Je sais que tu te méfies, t'as peur. Pour toi les hommes sont tous des acteurs. Permets-moi de devenir comme ton père. Le dernier homme a touché ton cœur. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai deviné ce porc à travers l'obscurité. Je lui ai mis un 10 sur 10. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué. On va lui mettre un 10 sur 10. Elle a failli faire ployer le genou du king. Truc de fou, elle est bonne même dans un jogging. Je vais devoir la noter, je m'y connais, je suis un geek. Elle aime bien ce que je fais, mais je sais qu'elle préfère quand je kick. J'ai un côté mauvais garçon, cultivé limite un télo. Donne-moi ta main, tu connaîtras petit avion, très gros télo. Je suis l'homme que tu attendais, gentleman, j'ai du 109. Tiens ma carte bleue, le code c'est 69 69. Je me mettrai juste derrière toi pour éviter que ça mate ton boule. Je sais bien que ça te saoule, je serai même un papa poule. Tu ne m'as jamais fait de cadeau, pour te suivre il faut du cardio. Parler de toi c'est un tabou comme Kaboul ou Istanbul. Et j'en ai rien à foutre des autres. On prend la route demain dès l'aube. Tu t'ennuieras pas, rien que j'innove. Pourvu que tu vieillisses comme Gilo, ouais. J'ai senti son odeur avant d'avoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai deviné ce corps à travers l'obscurité. Je lui ai mis un 10 sur 10. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué. On va lui mettre un 10 sur 10. Un 10 pour elle. C'est là, je l'ai noté comme personne. Un 10 sur 10 est formel. Je crois qu'elle a piqué mon corazon. J'attendrai pas qu'elle me donne le goût. Ou que son daron peut bien m'accepter. J'ai plein de sous de côté, ils veulent la charger dans le 4 anneaux. Mais moi j'en ai qu'un seul à lui passer. Je suis prêt à tout effacer. Et je ne doute pas de moi. Je sais qu'elle sait, mais je cautionne ses manières. Si elle finit dans d'autres bras, je sais qu'elle pensera à moi de toute manière. Elle restera ma woman. Oh, c'est la plus fraîche, c'est ma woman. Y'a qu'avec moi qu'elle s'ébat dans la Guzman. Dans la caisse, dans la Bugatti. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un